Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les rondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé avec plein de très bonnes choses à s'écouter dans l'émission d'aujourd'hui, comme à notre habitude, me direz-vous. On intègre toute une volée de nouveautés, les Belges de Stab, le Norvégien Ishan, les Français de Griffon, les Ricains de Chapel of Deceased, et quelques autres formations qu'on égrènera ensemble tout au long de l'émission de ce soir. La doublette d'ouverture, tout en puissance et en groove, avec tout d'abord le groupe de Brutal Death Vitriol, le groupe qui nous vient de l'Oregon, qui nous sort là son second album studio, monstrueux successeur à To Bath From the Throat of a Cowardice, qui avait vu le jour en 2019. Là, on est sur un 10 titres pour une cinquantaine de minutes. C'est toujours aussi violent, aussi froid, sombre et inspiré. C'est le premier album avec leur nouveau cogneur Matt Kilner. En doublette avec les Américains, on aura les Allemands de Slope, le groupe de fusion punk hardcore qui nous vient de Duisbourg, actif depuis une dizaine d'années. Ils sortaient leur second album studio, on les avait eu sur la scène d'un des chapiteaux de Au Quart de Tour l'année dernière. Street Heads avait vu le jour en 2021, le groupe au passage signe chez Beaten Hardware, de chez Beaten Hardware, ils viennent de passer à Century Media. La recette est toujours la même cependant, c'est fun, c'est groovy, c'est catchy, et c'est un petit peu la sauce allemande d'un turnstile, encore plus riche musicalement. Les présentations sont faites pour ce qu'on va s'écouter tout de suite. Vitriol, Weaponized, Lost, extrait de l'album Suffer and Become. Slope, It's a Thinking, extrait de l'album Freak Dreams. Et tout ça, c'est déjà dispo. Et c'est parti. complète de nouveautés pour la suite de l'émission Ishan et The Obsessed. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur cette doublette de nouveautés? Ishan, tout d'abord, qui n'a jamais entendu parler de Emperor, le projet Black Sinfo norvégien parmi les plus cultes qui soient, hein, qu'il a formé à tout juste 17 ans. Il a lancé, il y a maintenant 20 ans, sa carrière solo et il démoule là son 8e album. Le précédent remonte à 2018, il a quand même dégainé 3 EP entre-temps, hein, avec quelques compos, quelques inédits, quelques reprises. Un nouvel effort, donc sous son propre nom, 50 minutes, toujours dans le style Ishan, c'est très riche. C'est une identité très marquée. Pas mal l'accent mis sur les parties orchestrales et symphoniques, ce nouvel effort. Ça reste assez frontal pour la première partie de l'album, Cuckoo Black Metal de ses origines, et plus prog sur la deuxième. Salut Ishan sur ce que tu as fait sur le reste de ta carrière musicale. Et voilà, au passage, il propose une version entièrement orchestrale de cet album. Voilà, c'est à se procurer pour les plus fans. En doublette avec Ishan, on passe de nouveau aux États-Unis avec The Obsessed, les vétérans du Doom qui nous viennent du Maryland. Bon, une carrière en pointillé hein, qui a débuté en 1980. Ils viennent là de sortir leur 5e album studio. Donc voilà, hein, tout au long de sa carrière, des splits, des périodes d'activité en alternance. Dernière remise sur les rails en 2016, c'est toujours Scott Vino, le guitariste-chanteur qui tient la barre. Voilà, ce nouvel effort studio, le cinquième, arrive 7 ans après le quatrième. Toujours sur du doom, un peu proto-stoner, un peu hard rock, très très très ancré dans les années 70 et 80. Une prod assez actuelle dans son approche qui rend quelque chose de très massif. 8 titres en 35 minutes, pardon, pas de longueur, c'est groove, c'est assez rythmé, des alternances de passages lourds, passages plutôt tradis. Ça s'écoute extrêmement bien, ce nouvel effort studio de The Obsessed. Au niveau des morceaux, Ishan, Pilgrimage to Oblivion, extrait de l'album sobrement intitulé Ishan, une sortie toujours chez Candlelight Records. The Obsessed, ensuite, avec le morceau It's Not Okay, extrait de l'album Gilded Sorrow. Et c'est parti. Fire, death. went out of style. The sad and some, but yeah, it ain't all on me. For you, I went the extra mile. Think I'm unaware, my judgment's been compromised. In your heart, you know you're wrong. I ain't scared of you or your lies. Now you're messing with my songs. It's not okay. Rip me off. Got your hand in my pocket on the slide. It's not okay to say that you forgot. Stick a needle in. Avec les nouveautés, puisque maintenant doublette de groupes qu'on vous a déjà diffusé précédemment, Morbid Saint et Soulbrood. Morbid Saint tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nouvel effort studio des vétérans du trash ricain. C'est seulement leur troisième effort studio, au passage ils fêtent leurs 40 ans entre guillemets d'existence, hein, mais pas de carrière, parce qu'il y a eu pas mal de coupure, un peu comme The Obsessed. Le deuxième album, hein, n'est sorti qu'en 2015, par exemple. Mais la première mouture date de 92. Voilà. Troisième effort studio, donc 10 titres, c'est toujours aussi trash, énervé, agressif. Ça rend super bien. Et au passage, voilà, on peut noter que ça tape un peu comme les Demolition Hammer et autres Sadus. Soulbrood, ensuite, on est sur du Black Atmo qui vient du Danemark, actif depuis une quinzaine d'années. C'est le quatrième effort studio qui vient d'être offert. On est sur un titre, enfin sur un album, pardon, black, un peu doumisant, avec des gros accents lancinants et hypnotiques, et au contraire des passages vachement plus soutenus, type Cascadian Black Metal, avec les petites atmosphères qui vont bien avec. C'est un chant exclusivement en danois, ce qui rajoute un peu à la forte atmosphère présente sur cet album de Soulbrood. On va s'écouter le titre Bloody Floors pour Morbid Saint, extrait de l'album Swallowed by Hell, Soul Brood, Enzomstein Tunsin Soul, extrait de l'album sur roman intitulé For 4 en danois. Je suis pas à jour. Sur ma numérique danoise, c'est parti. We'll be right back. Une sortie Death Doom Death très attendue en ce début d'année, Spectral Voice, ce projet parallèle des membres de Blood Incantation, hein, parce qu'on retrouve les trois quarts du line-up dans Spectral Voice. Voilà, ils viennent de sortir là leur second album studio. Le premier était sorti en 2017, là seulement 4 compos, mais ça va de 7 à 13 minutes. C'est toujours aussi rampant et oppressant, sale, vicelard. Voilà, un album hyper massif, mais aussi bien exécuté que le premier. Spectral Voice continue à ne pas décevoir. On s'écoutera le groupe tout seul, vu la longueur des morceaux. Le morceau, donc, Sinew Sensor, extrait de l'album Sparagmos, et c'est une sortie Dark Descent Records. C'est parti. We'll be right back. couplet suivante nous permet déjà d'entrer dans l'aspect française de cette émission Hellbanger pour aujourd'hui. Aspect française que l'on ouvre avec Necrowretch, sans trop de surprise, une des meilleures sorties death metal de ce début d'année, hein, toujours ce putride Blackening Death qui ne perd absolument pas en qualité. C'est le cinquième effort studio, on est sur un peu moins de 40 minutes. Une musique toujours aussi violente, haineuse. On a quelques mêmes ambiances, du coup un peu plus Cavern Death, qui font semblant d'aérer l'ensemble. Et au niveau de la thématique, là c'est la figure du Dajjal qui a apporté l'antéchrist dans la religion musulmane. Voilà, un artwork toujours aussi soigné et une superbe manière de soutenir cette nouvelle sortie studio pour Necrowretch, avec notamment un passage du côté du Mans dans pas très longtemps, donc choper les infos rapidement et aisément sur les réseaux. En doublette avec Necrowretch, une très très très très grosse sortie black metal francilienne, française bien évidemment, plus précisément de région parisienne, une sortie absolument époustouflante pour Griffon, qui démoule là son troisième effort studio, actif depuis une douzaine d'années. Il fait suite au déjà excellentissime Otheos Obasileus qui était sorti en octobre 2020. Là, avec ce nouvel effort studio De Republica, ils franchissent encore un cap. Le visuel est de nouveau signé Adam Burke. Il est un peu court, peut-être le seul défaut de cet album, 6 morceaux pour 35 minutes. Au niveau des thèmes abordés, donc ils sont toujours sur le label Les Acteurs de l'Ombre, l'accent est mis sur la France du 19e siècle à nos jours, en particulier concernant les périodes d'instabilité politique où la construction d'une république sociale a pu émerger dans le sang des luttes sociale. Bien évidemment, la révolution de 1800, révolution industrielle, la commune de Paris, etc. etc. Absolument incroyable cet album. Aaron, au niveau du chant, fait un travail prodigieux et tous les textes sont d'un intérêt extraordinaire. Et puis musicalement, on est sur encore un cap de franchi en termes de qualité. Vraiment à s'écouter, à se procurer d'urgence ce nouvel effort de Griffon. Que de la qualité dans cette doublette d'ouverture française, Necrowretch Wayuktis, extrait d'album Swords of Dajjal, une sortie Season of Mist, Griffon, c'est une nouveauté en plus dans l'aspect française, La Semaine Sanglante, extrait de l'album De Republica, une sortie Ladlo, et c'est parti.